Yes. Oui, bien aimé, pendant que le poupée nous reçoit jusqu'à la mort, soumis à sa puissance, nous voulons vivre et nous nourrir sous tes lois. Ce passage de Dieu nous interpelle et nous fait comprendre que nous n'avons pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Amen. Donc, bien aimé, que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce de pouvoir abandonner tout ce qui nous empêche encore de faire sa volonté afin que nous puissions suivre ses lois jusqu'à la mort. Amen. Et que attention, je veux manger. Que son esprit continue de nous guider, de nous animer, dans le même amour. Amen. Comment ça va le mieux? Sois la gloire, façon à ta boue, dans mon âme noire, c'est le même jour, Jésus à ma place et pour réussir la croix, il offre sa place et je la reçois. Jésus, béni soit ton nom. parfois Jésus tombé, dans le mal je suis tombé. Ton nom puissant m'a élevé, et si le nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Donc que le Seigneur vraiment nous donne de nous aimer véritablement. Amen. Et que son amour habitant dans nous, qu'elle nous donne toujours de marcher comme il nous a commandé. Amen. Frère, est-ce que nous pouvons prier? Amen. Prier que tout obstacle qui nous empêche d'avancer dans la sainteté soit ouvert en ce jour au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui guide nos pas. Pourquoi ces obstacles doivent nous empêcher d'avancer envers au-devant de lui? Donc, nous devons prier pour cela. Dieu sait sera nous guider. Donc, continuons dans la prière. La lumière, c'est un obstacle, ça peut nous empêcher d'avancer. Nous avons écouté le sujet de prière. Nous prions à ce que cet obstacle qui nous empêche de marcher dans la sainteté de Dieu soit ôté dans nos vies. Amen. Donc nous, parce que c'est nous qui recherchons la paix avec tous et la sanctification dans laquelle nous devons le Seigneur. Et nous mettons une tempête devant le Seigneur. Nous prions. Bénis notre Dieu. Nous sommes en train de Nous avons fait des choses. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous fait comprendre que heureux ceux qui ont le Père pour nous, car ils auront Dieu. Et la Seigneur nous fait comprendre que nous devons par voir Dieu. Nous prions et continuons à supplier la miséricorde de Dieu afin qu'il nous accorde ce Père pur. Ça me tâche une vie. Il enlève lui-même tout celui dans nos cœurs. Père de grâce, Amen. Pendant qu'on a annoncé ce programme de jeûne qui commence vendredi, c'est bien aimé, il est important pour nous de prier que le Seigneur vraiment lui-même nous donne la bonne disposition du cœur pour pouvoir entrer dans ce programme. Afin que ce ne soit pas comme si on nous forçait ou bien que ce ne soit pas un fardeau pour nous, mais que nous puissions y entrer de tout notre cœur. Afin de nous laisser nettoyer par le Seigneur. Prions donc qu'il nous accorde une bonne disposition de cœur et la soif d'aimer sa présence afin que nous puissions entrer dans ce programme de tout notre cœur. Prions donc. Afin que tout ce qui nous avait tenu captif par le passé, que cela soit ôté dans nos vies. Et que ceux-là qui ont pris ce programme, et qui ont un désir quelconque de rencontrer le Seigneur dans ce programme, que nous allons se laisser trouver par eux. Amen. Prions afin que ce soit le désir de notre cœur dans ce programme, que le Seigneur lui-même puisse nous venir en nous. Nous sommes en prière.

Thank you. Amen, Père. Nous allons continuer à prier. Que le Seigneur lui-même dispose de nous faire. La lui-même dit que si votre vie ne se passe pas avec la religion, vous n'entendez pas la religion. Frère, cette parole est terrible pour nous qui l'entendons. Et nous, nous voulons le suivre. Et il dit encore, nous devons nous efforcer à aller en Dieu. Frère, prions le Seigneur parce que notre force, nous ne pouvons pas. Nous ne l'aurons pas fait. Nous ne pouvons pas faire pour nous. Si les choses télé, les choses télé sont au-dessus de l'entendement de tout homme. Prions que lui-même dispose de notre entendement. Nous, tout notre être entier, soit vraiment disposé. Ah, vous reconnaissez que nous sommes d'abord en lien. Et puis lui-même qui se développe plus, nous. Nous mouler dans son monde spirituel d'amour. Et tout le chrétien soit expliqué, dépouillé de toute hypocrisie contre quelconque frère. En fait, l'amour que nous portons pour un frère soit sans affection de personne pour l'autre. Et puis ce que nous pouvons faire pour lui, nous faisons pour lui, vivre, voire même haine. Frère, prions que lui-même nous mette en nous son esprit d'amour. Nous soyons purs au devant de ses yeux. Et puis tout ce que nous faisons comme acte soit glorifié. Dans le Père comme dans le Fils. Et dans notre vie de chaque jour, prions, Frère. Papa, je viens encore prier de toi. C'est toi qui es le Dieu qui est le Père de Jésus. Nous savons bien sûr pour que nous pouvons nous faire des choses. Mais avant de pouvoir en tenir, c'est un peu de temps. Mais avant de pouvoir nous faire des choses, Amen, frère, prions que le Seigneur, lui-même qui permet à ce que nous puissions nous trouver notre temps de jour en jour, Je vous ai examiné afin que nous sommes glorifiés par ta grâce, de tous mes lacunes, de tous mes limites. Prions pour chacun de nous, chacun des versants qui est compatible à son niveau. Que aucune lueur de compromission ne puisse vraiment ébranler notre pensée. Que notre pensée toujours garder en tête chaque jour. Que tout le monde ne puisse toujours donner cette force. Je suis présent à ce moment, il est dans le mal des tentations du mal. Prions, frère, que lui-même puisse le garder dans sa pensée. Oh, God, no, God, please, le Seigneur, nous chantons pour nous. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Nous n'emportons loin les ténèbres. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Que se dit Emmanuel. Thank you. Jésus est vainqueur, le trou de la terre chante à ton honneur. Le Jésus, la joie, remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon ta promesse, Jésus changera. De rien à l'épreuve quand il reviendra. Je veux pas danser, je veux faire l'histoire. Bonsoir, bonsoir. Je suis le gars, je viens à toi. je suis pas mal. Ici je t'aime, c'est bien à toi. C'est que je suis bien à toi. Je suis je t'aime, c'est bien à toi. C'est que je suis. Alléluia. Que vous soyez multiplié. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tes grâces, merci pour ta bienveillance, merci Père pour ta magnificence. Jésus, tu es notre lumière. Merci pour la grâce que tu nous donnes pour cette époque. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta lumière dans nos vies. Merci parce que tu éclaires les ténèbres, les zones ténébreuses de nos vies. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Je soumets tous ceux réunis en ces lieux et tous ceux-là dans le pays qui sont connectés en direct maintenant dans le monde et tous ceux qui nous suivront partout sur toute la terre. Je prie au Dieu que tu soumets leur cœur à ta volonté. Que tu soumettes leur vie à ta volonté, que tu soumettes leurs pensées à ta volonté, afin qu'ils servent à la louange de ta gloire. Seigneur, nous te sommes reconnaissants d'avoir eu la grâce de connaître ce grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci Père pour la sainte vocation que tu nous as accordée. Merci pour ton regard bienveillant dans nos vies. Merci pour tes faveurs et ta miséricorde. C'est une grâce déjà, Seigneur, de te connaître. Merci Père de gloire pour l'amour que tu as pour nous. Merci parce que tu l'as démontré à la croix en envoyant ton fils Jésus-Christ mourir à la croix à notre place. Que ton nom soit élevé, magnifié, exalté. Reçois par ceci, Père de gloire, ces chants et ces moments, Père de gloire, comme un sacrifice agréable à tes yeux et à ton cœur. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Comment vous allez, frère? Yeah. Et vous qui êtes connectés dans le monde entier, vous êtes toujours là? Dites-moi, comment vous allez? Sortez les billes, je crois que ici il n'y a pas de lumière ici. Comment on va faire ça? C'est là, je pense. Comment on va faire ceci? Je mettrai ça comme ça. Comme ça. C'est bon, là, c'est bon, là. Oh, ça va aller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parlez-lui doucement. Comme si vous entrez dans votre chambre et parlez à votre père. Posez avec lui. Parlez-lui. Parlez-lui des sujets qui vous intéressent. Des sujets qui vous préoccupent. Parlez-lui. Yeah. des choses qui vous inquiètent. Il connaît. Il lit les pensées des cœurs. Il sonde le cœur. Il connaît les inquiétudes qu'il y a sur le cœur. Il examine lui dans le calme, dans le climat. En pensant à l'amour qu'il porte pour toi. Parle-lui en pensant à l'amour qu'il porte pour toi. Souviens-toi qu'il t'a aimé même avant que tu ne sois né. Souviens-toi que ton amour, son amour pour toi est immuable. Souviens-toi qu'il t'aime. Devant toi, tout genou fléchi. Ta langue confessera. Souviens-toi qu'il a toujours veillé sur toi. Souviens-toi aussi combien de fois tu l'as déçu par ta vie de saleté. Souviens-toi comment tu rends son cœur triste chaque fois que tu marches dans les voies qui ne lui sont pas agréables. Dis-lui toutes ces choses. Dis-lui toutes ces choses. Ne lui cache rien. Il connaît tes faiblesses. Mieux même que toi. Il connaît là où tu te butes chaque fois. Il connaît. Parle-lui. Présente-lui. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, quels que soient les manquements, parle-lui doucement, il t'aime. Tu as chanté, viens à toi tel que je suis, viens à lui tel que tu es. Tu n'as pas le pouvoir pour te nettoyer toi-même. Lui seul détient ce pouvoir. Si tu es faible, cours à lui. Si tu as des manquements, cours à lui. Sa parole déclare, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur a pourvu pour nos péchés. Il a réglé le problème de nos péchés. Cours à lui. Cours vers lui. Parle-lui. Il est ton père, souvenez-vous. Il n'est pas un bourreau. Pour toi, il est le père. Le père aimant. Le père d'amour. Parle-lui. Parle-lui. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. vie terrestre. Parle-lui. Présente ton cœur, tes défaillances, tes manquements, présente-les-lui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dis-le que Seigneur, j'ai marché mon pied ça et là. Et dirigé mon cœur ça et là. Dans des zones où tu n'aimes pas. Dans des zones où tu n'as jamais aimé. Demande-lui pardon pour cela. Et qu'il t'aide à ne plus faire des choses qui lui sont désagréables. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous qu'il vous aime d'un amour inaltérable. Son amour pour toi ne peut pas changer. Son amour pour toi ne peut pas changer et il ne peut pas varier parce qu'il t'aime. Parle-lui. Parle-lui. Le considères-tu comme ton père? Alors parle-lui. Souvenez-vous qu'il connaît tous vos défauts et vous ne pouvez absolument, absolument rien cacher dans sa présence. Si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme et qu'il est votre tout, alors il n'y a rien, absolument rien à lui cacher. Parle-lui. Parle-lui dans l'intimité de ton cœur. C'est le point de contact parle-lui. Vous qui m'écoutez dans le monde entier, restez calme dans la présence de votre Père et parlez-lui de toutes vos inquiétudes, tout ce que vous avez sur le cœur, tous vos problèmes. C'est le moment. Parlez-lui tout simplement, doucement. Il connaît vos manquements, vos déboires, toutes les situations par lesquelles vous traversez, les doutes et la foi que vous avez de lui, il vous connaît. Parlez-lui, présentez-le-lui. Souvenez-vous qu'il vous aime. Qu'il est le Père aimant. C'est lui qui vous appelle mon fils, ma fille. C'est de lui dont il est question. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a élu avant la fondation du monde. Pensez-y. Pensez seulement à cela. Il t'a élu avant la fondation du monde. Pour que tu sois à la louange de sa gloire et que tu sois appelé son fils et sa fille. Parle-lui. Parle-lui. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse, frère bien-aimé. Amen. Mes soeurs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons la Bible. Prenons les Bibles. Vous voyez quand même. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salut vos frères. Salut vos frères. Amen. Amen. Amen. Amen. Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts à tout nous travaillons ce soir? Oui. Voilà. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est notre lumière. Le frère Joben du Maroc, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. La sœur Hélène de Maryland, bonsoir. Je crois que la sœur Hélène a fermé son micro. Le frère Stéphane de Lyon, est-il encore connecté? Je suis là, hein, frère. Ce n'est pas un retard. Le frère Stéphane de Lyon, tu es à Lyon ou tu es à Madrid maintenant? Je suis à Madrid depuis. Je suis à Lyon. Ok. Depuis quelques jours. Okay. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et bénisse Amen. Toute ta famille. Le frère Amen. Daouda. Le frère Daouda, bonsoir. Et madame Daouda. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Le frère Merci. Bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Tu es du côté de... Voilà, tu es du côté du Maroc. Le frère, le couple Carole et Olivier de l'Allemagne, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Ton mari est présent aujourd'hui. Ah oui. Du côté de la Belgique, nous nous retrouvons avec la famille Intra. Bonsoir. Bonsoir. Dieu vous bénisse, les frères. Bonsoir. Assez félicité, ça va? Très bien, mon petit frère. Tu as décidé aujourd'hui qu'on serait trois. Oui. Bonsoir. Bonsoir, la sœur Aurélie. Bonsoir. Salut, le frère Junior. Bonsoir. Bonsoir. La sœur Hélène est revenue. La sœur Hélène des États-Unis, bonsoir. Bon, son micro est fermé, je crois bien. France Sidibé du côté d'Abidjan, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Oui. Oui, je crois que la connexion avec nous est en Afrique. La sœur Louise. Louise du côté de l'Espagne, Madrid, également. Bonsoir, tu es la bienvenue. Bonsoir. On ne te voit pas, mais tu es quoi? C'est la première participation. Mets ta caméra, on te voit, on voit à quoi tu ressens, la sœur Louise. Sinon, c'est la photo. Bon. Bonsoir, bonsoir. Tu es la bienvenue. Amen. Donc, nous sommes désolés, comme vous nous voyez ici, nous sommes dans l'obscurité, mais ça ne nous fait absolument rien. Le Seigneur Jésus-Christ est notre lumière. Le frère Jean-Paul et la sœur Flavie d'Allemagne, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je crois que la sœur Louise de Madrid n'a pas encore mis sa caméra. La sœur Elena, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir, les frères et sœurs. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, Amen. Je crois qu'on n'a pas oublié quelqu'un là. Si quelqu'un, on a oublié quelqu'un, de le saluer, que cette personne se signale. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la famille Camille du Canada, apparemment, je vois personne du Canada aujourd'hui. Où sont passés tous ceux du Canada? Il fait tellement froid là-bas qu'on a coupé le câble là-bas. Hein? Le frère Camille et son épouse n'y sont pas. Bon, que le Seigneur de toute façon vous bénisse. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Oui, prenons donc nos Bibles. Prenez ici votre Bible et voyons ce que le Seigneur. Je vais parler d'un sujet maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons donc la Bible. Ouvrons dans le livre des deux Pierre. Vous notez, vous préparez le 2 Corinthiens également au chapitre 4 et le chapitre 5. Vous y êtes tout le monde. J'ai dit le livre des deux Pierre. Vous préparez 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. Puis Romains chapitre 8. Frère, ici que Dieu vous bénisse. Amen. Malgré l'obscurité, malgré la chaleur, vous êtes là, prêts toujours à nous servir. 2 Pierre, nous allons lire au chapitre 3. Donc notez 2 Pierre, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 4 et chapitre 5, Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 8, et enfin Luc, chapitre 11, si le Seigneur le permet. J'ai bien dit, enfin, s'il le permet. Je ne sais pas si l'énergie, la réserve de l'énergie qui est sur l'ordinateur pourra permettre à ce que vous tous vous suivez, parce que la batterie est à court déjà. Mais quel qu'en soit le cas, je vais parler d'un sujet, le bon choix. Je vais parler de ce sujet, le bon choix. Le bon choix. Le bon choix. Lisons d'abord le chapitre 3 des 2 Pierre et puis je vais commencer à parler de pourquoi le bon choix. Vous m'entendez, la sœur Louise, tu nous entends? Je crois que la sœur Louise nous entend. Non. Oui. La sœur Louise entend, mais sauf qu'elle a des problèmes, elle ne sait pas manipuler, donc il faut que l'enfant essaie de nous montrer comment ça se passe. Ah, c'est ça. Donc elle est la seule mère, la seule maman qui n'est pas Android du côté des. Qui n'est pas Android. Oui. Que le Seigneur le soit. Je l'appelle pas le fixe pour lui dire papa comment il faut faire. Oui, ok. Que le Seigneur vous bénisse. On peut y aller, le temps que, avant que la batterie de l'ordinateur ne vous lâche là, 2 Pierre chapitre 3, que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous sommes encore une fois de plus désolés pour la qualité de l'image parce que nous sommes à court d'énergie ici. Et donc, je crois que la parole n'a pas besoin de la lumière physique, n'est-ce pas? Lisons la parole. 2 Pierre. Voici déjà, vous y êtes tout le monde ici? Amen. Chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole du Seigneur, de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, vous y êtes, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10, enfin, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisse donc toutes ces choses, verset 11, doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais quant à nous, chrétiens, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité, et que le peuple de Dieu dise Amen. Le bon choix. Amen. Donc je vais parler du thème le bon choix. Je ne sais pas, je pourrais développer cela même 5 heures de temps, mais je crois qu'il va être, il va vraiment écouter. Le bon choix. En réalité, tous ceux qui ont été élus, et qui sont sur la terre, ou ont déjà été sur la terre, déjà c'est une grâce que de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce que de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avec ce que nous avons lu là. Le frère Pierre dit, voici la deuxième lettre que je vous écris. Et il dit le pourquoi il écrit cette lettre. Il dit que dans l'une et dans l'autre, je cherche à réveiller votre sainte intelligence. Pourquoi il le fait? Pour nous maintenir dans le même amour, dans la même grâce, que quelqu'un ne quitte pas la voie par suite des événements qui pourraient nous arriver. Et il dit qu'il n'est pas le seul à le faire. Il dit que c'est la même chose que la preuve que le frère Paul dit dans ses lettres. Il dit que le frère Paul dit cela en ajoutant des points qui sont difficiles à comprendre. Et donc plusieurs personnes tordent le sens comme ils tordent pour celui des autres cultures. Je vais parler du bon choix. Que si vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait le bon choix. Amen. Pas seulement le bon choix, le meilleur qui pourrait exister. Amen. Vous êtes avec nous, vous êtes dans le monde entier. Alors vous avez fait le bon choix avec le Seigneur. Il est incomparable avec quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas commencé à dire, par rapport, il est incomparable. Nous avons fait le bon choix. Pourquoi avez-vous fait le bon choix? Parce que c'était le meilleur. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, le repos, normalement, ce qui va te garder en lui, c'est l'âme, ce n'est pas la chair. Alors, si le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes, il veut dire, c'est vos âmes qui ont des problèmes. C'est nos âmes qui ont des problèmes. Des choses se trouvent enfouies dans nos âmes, sans notre propre volonté, souvent avec notre participation, qui nous pousse à prendre des décisions, à avoir des plaisirs, des envies pernicieuses, qui souvent vous prennent au point où vous ne pouvez pas même vous contrôler. Jésus dit, la solution, c'est lui. Il se présente là. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres. N'as-tu pas dit ça, frère? Amen. Donc, le problème se trouve dans notre âme. Et ici, Jésus veut nous faire comprendre ce soir que si vous l'avez accepté, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas trompé parce qu'il est le chemin. Mais il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est le problème de la réalité de nos quotidiens. La réalité des moqueries de notre entourage. La réalité de souvent nos prières qui ne sont pas exaucées. La réalité des difficultés que nous confrontons jour après jour. La réalité des blocages que nous expérimentons. Ces choses nous font souvent à ce que nous voulons quitter le droit chemin. L'apôtre Paul vient nous dire ici dans le verset 14, il dit qu'en attendant ces choses, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite, en attendant qu'il vienne, qu'il se manifeste. On doit être saint dans toute notre conduite, n'est-ce pas, frère? Amen. Et là, il précise une chose, que là, en attendant cela, on doit être saint et irréprochable. Il faut que lui, il nous trouve saint et irréprochable. Remarquez bien ce mot-là. Verset 14, tous ensemble, disons. Verset 14 encore. C'est pourquoi... Non, tous ensemble. Tous ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi bien-aimé, en attendant les choses, appliquez-vous à être de vous faire en lui, sans tâche et en perdu dans la peine. Amen. Et en attendant ces choses, en attendant sa manifestation, il faut qu'on s'applique. On y met du sérieux. On se met. Souvenez-vous, dans le corps de Christ, vous n'allez pas compter sur un homme pour votre vie spirituelle. Vous devez compter sur votre relation avec le Seigneur. Parce qu'un homme va toujours quitter la scène. Quelle qu'en soit la personne qui est éditée ou n'importe comment, il va finir par quitter la scène. Il y a une personne seule qui est le souverain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est vers lui et en lui seulement que doit être ancrée notre foi véritable. Vous comptez sur quelqu'un, il peut décider à cause de toi qui fait quitter la personne sur la terre pour que tu comprennes qu'il s'agit de lui, pas de cette personne-là. Ne comptez pas sur un homme. D'accord? C'est une folie vraiment de compter sur un homme. S'il y a des difficultés, je compterai sur tel homme. Ne faites pas cela. Comptez sur le Seigneur Jésus. Il est le consommateur. L'apôtre Paul est-il sur la terre maintenant? Non. L'apôtre Pierre est-il sur la terre? Non. Si l'apôtre Pierre avait été sur la terre, les gens pourraient dire, ah, ça ne va pas, il va aller chez Pierre. Dieu ne l'a enlevé, pas vrai? Mais Jésus-Christ est vivant. Il est vivant et pour lui, il est vivant pour toujours. Donc, si vous avez choisi le Seigneur Jésus-Christ, vous avez fait le bon choix. Les moqueries, les railleries, les persécutions, comme la Bible dit, je vous ai donné Romains chapitre 8. La Bible déclare, comme on a parlé dans la lumière, la Bible déclare que ni la haine, ni la sorcellerie, ni les moqueries, ni aucune autre créature ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que les choses qui se passent contre nous, qui se passent contre nous, les moqueries, ne doivent pas te pousser à regretter ton choix. Amen. Ça doit davantage te donner la force de le servir. Amen. Parce que Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean chapitre 15, le verset 18 dit, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Et si le monde vous hait, il doit devoir démontrer sa haine par les différentes flèches qu'il envoie dans tous les sens. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, si vous ne voulez pas être dérangé comme les autres apôtres ont été dérangés, comme les chrétiens ont été dérangés, comme c'est la norme parmi les chrétiens, vous ne voulez pas être dérangé comme ça, faites le mauvais choix. Votre mauvais choix, c'est seulement de vous soustraire. Vous suivez ça, frère? Dis à ton voisin, tu as fait le bon choix. Jésus est notre choix. Jésus est notre unique choix. Amen. Donc, la réalité donc maintenant, c'est que les événements de nos vies nous manipulent. Satan utilise donc ces événements sous le contrôle de notre Dieu pour nous former à la louange de la gloire de Dieu si nous comprenons ces événements. C'est-à-dire, la persécution doit plutôt contribuer à l'épanouissement de ta foi. Amen. Les moqueries doivent plutôt contribuer à l'épanouissement et au renforcement de ton amour pour le Seigneur. La Bible déclare que c'est à cause de lui qu'on nous regarde chaque jour comme des brebis destinées à la boucherie. C'est ça, frère? Amen. On dit à cause de Jésus. Le fait que tu aies choisi Jésus, le monde des ténèbres se dresse contre toi. Vous avez fait le bon choix. Amen. Alors souvenez-vous de ceci. Ni la haine, ni la persécution, ni aucune autre créature ne doit nous éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Il ne peut même nous éloigner de l'amour de Dieu. Parce que de son côté, il nous a aimés, il a prouvé. Le problème, c'est nous maintenant. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous faisons quoi de cela? Vous y êtes? Jésus est le bon choix. Dans Luc chapitre 11, le Seigneur Jésus va rendre visite à sa famille qui l'aimait beaucoup plus. Sa famille, la famille de Lazare. Il y a une certaine Marthe dedans, une certaine Marie, qui sont des sœurs à Lazare. Pendant qu'il sera assis dans cette maison, il va commencer à sortir des paroles. Souvenez-vous, tout ce qui sort de sa bouche est grâce. Tout ce qui sort de sa bouche est grâce. Marie a détecté cela, elle s'est assise à ses pieds, buvant de sa parole, buvant de lui, parce que sa parole, la parole du Seigneur Jésus-Christ, fait la joie de l'âme. Restaure l'âme, restaure nos vies. C'est ce que sa parole fait normalement. Alors, les normes de la société. Vous voyez, nous avons deux personnages là-bas. La personne qui aime la présence du Seigneur, Marie, et la personne qui s'inquiète des affaires de la vie, qui aimera faire comme le standard humain dit. C'est vrai que des standards sont souvent normaux. Alors, cette femme est dans la maison, elle cherche l'assiette, elle prépare le riz, elle chauffe l'eau, elle s'inquiète. Ça, c'est le standard. Quand quelqu'un entre chez toi, il faut bien l'accueillir. C'est normal. Mais il arrive des moments où le standard se confronte à ce qui est le bon choix. Là, il faut choisir le bon choix. Il est entré là-bas, sortant de la cuisine, elle a mis les mains au reste. Vous savez, vous connaissez les femmes. Elle a mis les doigts là-bas, elle a fait le pain comme ça. Que Seigneur, mais je cherche la cuillère, je dis, toi, tu là, tu parles, celle-ci ne fait que t'écouter. Il dit que ça ne te fait pas de pain que. Parce que dans sa tête, je voudrais qu'on prépare la nourriture pour que le Seigneur mange. Et elle n'est pas le seul dans ces cas. Vous lisez le livre de Jean chapitre 4, quand Jésus causait avec la femme samaritaine, la Bible quand ses disciples sont allés en ville pour le laisser, pour aller chercher à manger. Ça encore, c'est le standard humain face au bon choix. Pendant qu'il venait, la femme venait, il dit, mais ils sont rentrés de rentrer, il dit, mais qu'est-ce que Jésus Christ parle? Peut-être, j'espère qu'il ne nous a pas éloigné pour draguer la femme là. Il veut se marier ou quoi? Mettez tout ce qu'il dit là entre parenthèses. Il dit, mais la Bible dit que personne n'osa lui poser des. Que tu crois quoi? Tu parles quoi avec ces femmes-là? Toi, tu as dit la sanctification, non? On ne peut pas poser des questions. On a dit, maître, mange. Il dit, vous ne savez pas. J'ai une autre nourriture que je dois manger. Le standard voudrait que, lorsqu'on est fatigué, on mange. Mais à ce moment-là, il y a un choix. Ce choix-là, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Donc, à cet instant, la nourriture, c'est pour lui. C'est bon pour lui. Mais ici, c'est tout un choix où il faut harvest, récolter un autre style de nourriture qui est pour l'éternité. Vous suivez ça? Amen. Alors, cette femme se tient debout et dit au Seigneur Jésus, ne faites pas de peine que je souffre sur moi seul pour pouvoir la nourriture que nous allons tous manger ici. Jésus a dit, Marc, Marc. Il dit quoi, frère? Tu t'inquiètes pour? Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Ne ratez pas ceci. Tout ce que donc vous pouvez faire dans la vie, même si c'est normal, tant que ce n'est pas le bon choix, c'est peu de choses. Amen. C'est ce que Jésus nous enseigne. Tout ce que vous pouvez faire, il faut qu'il lave mes enfants pour l'amener, merci. Il faut qu'il lave mes enfants pour aller à la garderie. On va aller, on veut faire des choses. Il faut qu'il fasse comme ça, il faut qu'il me lève pour fermer la porte, il faut que je me batte pour que les enfants mangent. C'est bon, mais c'est peu de choses. Dis à ton voisin le bon choix. Le bon choix. Et là, Jésus s'est tourné et dit, Marc, tu t'inquiètes pour... Choses. Encore, tu t'inquiètes pour... Peu de choses. Vous avez préparé la nourriture qu'il devait manger. Il dit, ça c'est peu de choses. Marc l'a réveillé, on s'est dit, peu de choses comment? Puis il dit maintenant, Marie a choisi... Le bon choix. Elle a fait quoi? Le bon choix. Et Jésus rappelle que ça ne lui sera jamais... Ôté. Donc, Marie a choisi pour toujours. Amen. Vous y êtes? Amen. Mais la révélation, c'est qu'après, il a mangé le même repas. Mais Marie a choisi la bonne part. Tourne-toi, regarde, quelqu'un dit, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Pas les bonnes choses. Pas les bonnes choses. Le repas de cette soirée, c'était la bonne chose. Quand on mange, on dit, on est convivial. Pas vrai? Amen. Mais ce n'est pas la bonne part. D'accord? Amen. Suivez mon frère. 2 Corinthiens chapitre 4. Vous êtes avec nous, vous tous, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un m'écoute maintenant et qui sait qu'il a choisi la bonne part, criez, j'ai choisi la bonne part. Vous tous m'écoutez. J'ai choisi la bonne part. Donc, si tu as choisi dans cette part-là avec ta femme et où est ton mari, tu choisirais quoi? Dis maintenant, après que vous avez raccroché, vous allez voir. Dans le dire que c'est choisi Jésus, tu vas voir comment ton mari va te dire après, donc c'est lui. Hein. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Il va dire à partir du verset 3. Vous tous ouvriers dans le monde entier, vous tous qui m'écoutez maintenant, si vous avez fait le choix et si Jésus a accordé la grâce à ce que vous l'acceptiez, sachez que vous avez fait le bon choix. Le meilleur choix que vous puissiez faire, la bonne décision, la meilleure que vous puissiez faire étant sur cette terre-ci. On peut y aller. Et si vous m'écoutez maintenant, vous n'avez pas encore fait ce choix, le choix ultime de votre vie. Le choix du Fils de Dieu, le choix de la repentance et l'amour, le mariage avec le Fils de Dieu. Vous n'avez pas fait ce choix, vous sachez que vous êtes dans le bras de l'iniquité. Verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, vous voyez effectivement que c'est une grâce déjà que vous avez fait ce choix. Amen. On dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu essaie à voiler le visage. Donc, Satan a jeté le voile sur les êtres humains qui les empêche de voir le bon choix, de voir qui est le bon choix. Mais si toi, ce voile a été ôté et que tu as cru en lui, tu as fait le bon choix. Amen. Jésus-Christ est le bon choix, Amen. Le meilleur choix. Amen. On continue. Continuons maintenant. Regardez verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, vous y êtes, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Donc, vous pouvez vivre dans la détresse. Mais la détresse ne doit pas vous pousser au désespoir. Vous y êtes persécuté, mais non abandonné. Donc, Dieu va permettre que vous soyez persécuté, mais il vous abandonnera. Ça, c'est après que vous avez fait le bon choix. La personne qui a décrit ainsi, c'est la personne dont l'apôtre Pierre nous a fait le renseignement, que lui-même écrit les mêmes choses. Voici l'une des choses qu'il avait dit là maintenant. Il veut dire, vous avez choisi la bonne part, les tribulations vont venir. L'apôtre Pierre a commencé par nous dire, sachant avant toute chose que dans les derniers jours, ils viendront des moqueurs avec leur raillerie. C'est ça frère? Amen. pourquoi ils ont béni selon leur arrière. Ils nous expliquent que leur caractère sera de venir vers nous pour dire que depuis que tu sais ton Jésus là, il est où? Depuis que vous dites qu'il vient, il vient, il vient, il est où? C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit qu'ils vont dire cela. Si c'est ton Dieu depuis que tu pries, on ne voit même rien. Moi je ne prie même pas, mais voici je suis béni. Ils vont penser que la manifestation physique des bénédictions est le signe du fait qu'ils vivent bien. Ils ne savent pas que le problème aussi se situe au niveau de l'âme. Pour qu'il ait cette révélation, il faut que le voile soit ôté. Pour qu'il voie que c'est Christ qui va soigner son âme. Pas le matériel. Donc le matériel n'est pas le bon choix. Des gens ont des centaines de milliards, ils meurent. Par suite du manque de reins. N'est-ce pas, frère? Amen. Le rein, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter le cœur, on ne peut pas acheter votre sang, on ne peut pas acheter la vue. Si tu es aveugle, on ne peut pas fabriquer des yeux pour que tu vois. Bien plus encore, le plus simple, la durée de vie. Jésus a dit, si par votre inquiétude, on ne peut pas ajouter un coup à votre vie. Il dit, si on ne peut pas, même pour peu, il appelle ça peu. C'est-à-dire quand tu fais, tu respires là. Si on coupe ça, on en fait ça, c'est terminé. Le petit souffle qui fait va et vient là. Ça entre dans ton cœur et ça sort. Il dit ça, quand on enlève ça, c'est peu de choses. Il peut rallonger. Qui parmi nous sur cette terre-ci, comme scientifique, peut ajouter une durée de vie à un être humain? Quelqu'un peut le faire? Non. Jésus dit, si vous, vous ne le pouvez pas, même pour si peu. Donc il appelle ça, si peu, voilà, c'est peu de choses. Allonger, c'est-à-dire, on te dit, tu vas mourir dans 2 heures. Il décide que tu vas encore faire 30 ans. Il suffit qu'il dise ça, et c'est 30 ans que tu vas faire. Amen. Il a prouvé cela avec Ézéchias. Pas vrai, frère? Amen. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est le meilleur choix. Amen. Vous avez moi? Amen. Quand l'apôtre Pierre dit cela, il veut dire, l'avertissement c'est que ne vous laissez pas influencer par ces railleries. Vous devez faire le bon choix. Amen. Il dit, prenez garde de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre grâce. C'est pas ce qu'il écrit. Amen. Donc faites attention qu'on ne vous influence pas. Le fait qu'on dit, et Jésus là, il est où depuis? Allez là-bas avec Jésus là. Le fait qu'on dit ça doit nous pousser davantage à l'aimer parce qu'il a même prévu cela. Amen. Alors l'apôtre Paul dit ici, abattu mais non perdu. Donc le fait que tu sois abattu, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que mais il y a une autre réalité, c'est que les circonstances qui sont tout autour de nous semblent dire le contraire, que vous avez choisi le bon choix. Les circonstances. Parce que c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Il dit, il arrive souvent que dans notre choix, nous soyons abattus. Mais non quoi? Perdu. Mais non perdu. Donc le fait que tu sois abattu, que tu sois dans les problèmes, ne veut pas dire que tu es perdu. Il te connaît. Amen. Il te connaît. Il dit, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Vous avez vu ça, frère? J'ai commencé le bon choix. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos chairs mortelles. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous avons cru et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous persécute, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera avec, paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc même cela, c'est pour amener les actions de grâce à Dieu. Amen. Vous y êtes? Amen. Les bons moments chantés. Il voit, il connaît. Il connaît tes difficultés, il connaît Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, Jésus connaît tout, il connaît, Jésus connaît tout, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il connaît, Jésus connaît tout, il connaît, Jésus connaît tout, il connaît. Alléluia. Maintenant, nous confions toutes choses en lui, sachant qu'il connaît toutes choses de nous. Parlez-lui maintenant. Parlons-lui maintenant. Il connaît. Sachant qu'il connaît toutes choses, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter, car il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il connaît toutes choses. Parle-lui, confie-lui tout ce soir, confie-lui tout, remets tout. Partout où il y avait des problèmes, des difficultés, des situations que tu n'aimais plus et que tu n'aimais pas, confie-lui. Confie-lui ces choses. Confie-lui. Confie-lui tout ce que tu avais comme peur. Toutes les moqueries qu'on a déjà faites sur toi, déchasse ça sur lui. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le rocher des siècles. Celui en qui les prophètes et les apôtres d'antan ont fait confiance et il les a délivrés. Il voit tes difficultés. Il voit tous les problèmes. Pas besoin de lui dire, Seigneur, est-ce que tu vois ce qu'on me fait? Est-ce que tu vois comment je souffre? Pas besoin de lui poser cette question. Pas besoin de lui poser la question, Seigneur, est-ce que tu vois ma maladie? Comment je maigris? Il connaît. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 qu'il a trouvé un homme malade depuis 38 ans. La Bible déclare, sachant qu'il était là depuis, qu'il était malade depuis, lui a posé la question, veux-tu être guéri? Jésus-Christ connaissait sa situation. Jésus-Christ connaissait sa situation. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Jésus connaît ta situation. Et il voit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu as des maladies que les gens ne connaissent même pas, dont tu n'oses même pas parler, dont il est honteux de parler, Jésus-Christ connaît. Il n'y a rien à cacher devant lui. Il connaît ta situation, il connaît ton cœur. Seigneur, tu vois et tu connais. Tu connais les difficultés de mon frère. Tu connais les difficultés de ma soeur. Tu connais les difficultés de cet homme, de cette femme qui t'écoute maintenant. Tu connais les peines. D'autres veulent se suicider. D'autres ont essayé avec la religion, pensant que c'est toi. Mais tu n'es pas dans la religion. Tu es dans la relation. Seigneur, crée au Dieu de gloire une relation avec quelqu'un pour qu'il te fasse confiance comme il se doit. Révèle-toi tes enfants, Seigneur, car toi-même tu as dit, nul ne connaît le Père si ce n'est toi, et nul ne te connaît si ce n'est le Père ou celui à qui tu veux le révéler. Seigneur, viens te révéler. Viens te révéler afin qu'on comprenne que toi, tu n'es pas une institution. Tu n'es pas une règle, mais tu es une personne vivante. Et la personne principale même de l'univers, c'est toi. Il voit et il connaît mon frère. Il voit et connaît ma soeur. Il voit, il connaît, Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, toutes les difficultés que tu puisses avoir. Les problèmes, il les connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Tes projets, il connaît. C'est pour cela qu'il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes faiblesses, il connaît. Tes péchés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît. Père, merci de nous avoir pourvus d'un sauveur, d'un rédempteur à la dimension du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos difficultés. Celui qui nous tient la main et nous fait marcher dans le chemin de la vérité jusqu'à bon port. Seigneur, en t'entendant, Père, nous prions, Dieu, que tu fortifies notre vie et que tu nettoies au Dieu de notre vie tout ce qui n'était pas agréable. Seigneur, nous nous confions en toi ce soir avec la pensée renouvelée, sachant en qui nous avons cru. Que les difficultés ne doivent pas nous éloigner de toi, mais nous rapprocher davantage. Que les moqueries ne doivent pas, ô Dieu de gloire, nous faire avoir honte de toi, mais t'aimer davantage. Seigneur, que même la mort, ni n'importe quelle persécution ne peut nous éloigner de toi. Donne-nous, ô Dieu, de t'aimer selon la dimension, ô Dieu de gloire, de l'amour que tu as disposé pour nous. Merci, Père, de nous avoir convoqués ce soir. Merci, Père, d'avoir révélé ces choses encore ce soir et d'avoir rappelé ces choses que tu as dites par la bouche de tes saints apôtres. Seigneur, merci, Père, parce qu'en ce fin de temps, Père, où les voix sont de toutes parts pour nous distraire, tu viens de nous dire que nous avons fait le bon choix. Amen. Merci, Seigneur, pour le choix magnifique que tu nous as donné. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, au Dieu de grâce, que le voile de la sorcellerie, des blocages, de la mondanité tombe dans nos cœurs, afin que nous voyons que tu as prouvé la solution, le bon choix pour nous. Merci, Père de gloire. Et nous croyons, Père de gloire, que comme Marie, ce choix-là, le bon choix, ne lui sera pas ôté. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Et que le peuple te dise Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Tout en chantant, il voit, il connaît. Bonsoir. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît.

tu es.